Chapitre 14e, le rêve de Noël. L'hiver avait fait son entrée à Helstonleigh. L'air était glacé, la neige couvrait la terre. Monsieur Liberton n'était pas sorti depuis sa maladie. Il restait au coin du feu, lorsqu'il avait assez de force pour se lever, et sa toux augmentait. Dans des circonstances plus favorables, il aurait pu recouvrer la santé, mais l'inquiétude le torturait, leur argent tirait à sa fin, et il aurait fallu bien les douceurs qu'il n'osait se procurer. Il affirmait qu'il n'y tenait pas. Pauvre homme, au fond du cœur, il n'aurait pas demandé mieux que de pouvoir se les donner. Chose étrange, il ne voyait pas le danger où il se trouvait. Quand les froids auront passé et que le printemps arrivera, je serai mieux, répétait-il constamment. Alors je reprendrai mes travaux et je ferai connaître mon arrivée et mes plans à M. Pearson. Il eût été inutile de l'ennuyer d'avance. Espérance illusoire. Le docteur Carrington avait dit qu'il pourrait se guérir s'il prenait soin de lui. Les autres médecins avaient répété la même chose, mais ils n'avaient pas fait le compte de l'aggravation que devait produire une journée sous la pluie et une fièvre rhumatismale. La veille de Noël, Jane et lui étaient assis près du feu à la lueur du crépuscule. Il n'avait pu descendre. Il n'avait pas l'air aussi malade qu'il l'était réellement. Depuis longtemps, le médecin qui l'avait soigné avait discontinué ses visites. « Il ne me reste que de la faiblesse, et le temps seul me guérira », lui avait dit M. Halliburton. Jane espérait, elle croyait réellement qu'il se remettrait une fois l'hiver passé. Il causait paisiblement, quand des voix joyeuses les interrompirent. Franck entra, les bras chargés de houe et de lierre, la figure rouge et animée. Ses frères et sa sœur le suivaient. « Maman ! S'écria-t-il, regarde donc cette verdure, j'ai acheté tout cela. Acheté ? Répéta Jane, mon cher Frank, ne t'ai-je pas dit que nous devrions nous en passer cette année ? Mais ça ne coûte rien, maman, rien qu'un sou. Jane soupira, elle ne dit pas aux enfants que maintenant un sou n'était pas rien. Vous savez le sou que j'ai gardé si longtemps dans ma poche, dit Frank en s'adressant à tout son entourage. Eh bien, j'ai pensé que si maman ne voulait rien acheter pour Noël, je le ferais moi. « Mais tu n'as pas eu tout cela pour un sou, Frank. À Londres, nous l'aurions payé 10 sous. Pardon, maman. Je l'ai eu chez ce vieux qui demeure là-haut sur la route et qui a un grand jardin. Il allait m'en couper davantage, mais je lui ai dit que j'en avais suffisamment. Si tu avais pu voir les masques qu'il en donnait à une femme pour 2 sous, elle avait besoin d'une brouette pour l'emporter. » Jenny frappa des mains et se mit à danser de joie autour de la chambre. « Maman, je t'aiderai à garnir le salon. Nous aurons un beau Noël. » Le jour de Noël se leva beau, clair et froid. Jane comptait ce jour-là aller à l'église. Durant la maladie de son mari, elle avait dû envoyer ses enfants seuls. Il savait ce que signifiait le service divin et n'avait pas besoin de surveillance. M. Halliburton descendit à l'instant où il partait. « Je me sens si bien aujourd'hui, s'écria-t-il. Je pourrais presque sortir avec vous. Ne t'inquiète pas, Jane, dit-il en souriant de son air consterné. Je ne compte pas même essayer. » « William, tu n'es pas prêt ?»« Maman a dit que je devais rester avec toi, papa. »« Reste avec moi. Ce n'est pas le moins du monde nécessaire. Je te dis que je me sens mieux, bien même. Tu peux aller avec les autres, William. » William regarda sa mère. Jane hésita un instant. « J'aimerais mieux qu'il reste à Edgar. Betsy s'en ira midi. Je ne me sentirais pas tranquille si je te savais seul. »« Oh, très bien, » répondit gaiement M. Halliburton. « Reste, William. » Ou bien nous verrons maman quitter l'église au beau milieu du service pour venir voir si je ne suis pas tombé dans le feu. Jane avait sur les épaules tous les soucis et les travaux du ménage. Quoiqu'elle sût parfaitement diriger une maison, elle ne s'était jamais mêlée des devoirs matériels de la cuisine. Aujourd'hui, elle ne s'y entendait pas mal. La jeune servante, Betsy, qui venait chaque jour l'aider, était plutôt en surcroît de peine. La veille de Noël, elle avait dit à Jane « « Ma mère dit que je dois être demain à la maison. » Jane et la jeune personne en vinrent à un compromis. Betsy quitterait la maison à midi et reviendrait plus tard laver la vaisselle. Jane se chargerait du dîner. Ne vous est-il jamais arrivé, mes chères lectrices, d'être témoin d'un fait pareil, de voir une dame, telle que Jane, forcée d'oublier ses habitudes de délicatesse, de retrousser sa robe, de se mettre à rôtir la viande, à faire bouillir les pommes de terre, à s'occuper des mille et un détails indispensables à la confection d'un dîner. Des cas pareils se présentent souvent dans la vie ordinaire. L'amélioration de la santé de M. Halliburton tenait ce jour-là du prodige. Il lut avec William les psaumes du jour, ce qu'il n'avait pu faire depuis longtemps par suite de sa toux et de sa respiration oppressée. Ce devoir achevé, il s'enfonça dans son fauteuil et se mit à songer. Paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes, répéta-t-il avec ferveur, quoique d'un ton rêveur. William, mon garçon, je crois que la paix descend à la fin sur moi. Je me sens si bien. Quelle paix, papa ? Demanda William embarrassé. La paix que procure la santé, l'espérance, l'absence de soucis. La fête de Noël et le beau temps m'ont enlevé tout mon accablement. Que je puisse continuer ainsi, et dans un mois, je pourrai sortir et travailler. Les yeux de William brillèrent de joie. Le dîner devait avoir lieu à 3 heures. Pendant que Jane s'en occupait, Patience apparut à la porte du fond, tenant la main une assiette de belles oranges. « Veux-tu les accepter pour tes enfants ? » demanda-t-elle. « Comme vous êtes bonne !» s'écria Jane toute reconnaissante. Il y avait longtemps qu'elle n'avait pas reçu de pareilles attentions. « Patience, j'espère que vous ne les avez pas achetées tout exprès. Si j'avais dû les acheter, tu ne les aurais pas vues, » répondit la franche Quakeresse. « Un ami de Samuel Lynn, qui demeure à Bristol, nous en envoie tous les hivers une petite caisse. Ce matin, pendant que je les déballais, je lui ai dit « Les enfants de la porte voisine seraient bien aises d'en avoir quelques-unes, mais il ne m'a pas répondu. Il ne te faut pas le croire égoïste, il ne l'est pas, mais il ne songe qu'aux enfants. » Anna le regardait vivement. Elle aurait voulu leur envoyer la moitié de la boîte. Il s'en est aperçu et m'a crié « Patience, porte-leur en quelques-unes. » Je lui en suis très reconnaissante, et à vous aussi, répéta Jane. « Patience, Monsieur Halliburton, est beaucoup mieux aujourd'hui. Entrez le voir. » Patience alla au salon porter les oranges. Quand elle en sortit, une expression de gravité couvrait sa figure habituellement si sereine. « Tu feras mieux de ne pas compter sur ce mieux apparent chez ton mari. » Le cœur de Jane battit. « Je n'y compte pas positivement, Patience, avoua-t-elle, mais il me semble avoir fait tant de progrès que je me sens plus en train que je ne l'ai été depuis longtemps. » Ça tout paraît se passer. « Je ne voudrais pas t'affliger, cependant, si j'étais toi. » « Je ne m'y fierai pas. Ces améliorations subites sont quelquefois trompeuses. Adieu, porte-toi bien. » Jane alla au salon. Les enfants étaient réunis autour du plat d'orange. « Maman, regarde !» cria Jenny. « Comme elles sont jolies. Il y en a 6, une pour chacun de nous. Papa ne pourra-t-il pas en manger une ? Gare, n'y touche pas. Papa, pourras-tu manger une orange ?» Caché derrière les enfants, M. Halliburton fixait un œil avide sur les oranges. Pour sa bouche desséchée par la fièvre, sa gorge altérée, les oranges étaient ce qu'est le mince filet d'eau pour le voyageur du désert. Jane s'en aperçut et lui offrit le plat. « Tu en voudrais une, Edgar ? J'ai si soif, » dit-il comme pour s'excuser. Les oranges paraissent appartenir aux enfants plutôt qu'à lui. « Je crois que je mangerai la mienne avant le dîner. Coupe-la-moi en 4, Jane, veux-tu ? » Il prit un des quartiers et se mit à le sucer. « Que c'est délicieux » s'écria-t-il. Que c'est rafraîchissant. Les enfants debout autour de lui le regardaient. Ils aimaient les oranges, mais pas à ce point-là. Quand Jane retourna à la cuisine, elle y trouva une aide. Patience venait d'envoyer sa domestique, Grace, jeune et gentille quakeresse, voir s'elle ne pourrait pas se rendre utile à Madame Halliburton pendant une demi-heure. Ils dînèrent tranquillement, servis par Grace. Après le repas, les oranges furent placées sur la table. Master Gar prit le plat et l'offrit à sa mère. « Papa a eu la sienne, » expliqua-t-il. « Pas pour moi, » gardait Jane. « Je ne mange pas d'orange. Je donnerai la mienne à papa. » Les 3 cadets attaquèrent vigoureusement les leurs. William posa la sienne à côté de celle refusée par sa mère et mit l'assiette tout près de M. Halliburton. « Est-ce pour moi, William ?»« Oui, papa. » Franck eut l'air surpris. « Dis donc, William, est-ce que tu n'as pas mangé ton orange ? Tu en étais aussi content que nous quand elles sont venues. »« Je mange les oranges quand j'en ai envie, » répliqua William, avec une affectation de dédain qui trahissait une profonde délicatesse de sentiment. « J'ai trop bien dîné pour y tenir. » M. Halliburton attira William vers lui et le regarda en face, le sourire sur les lèvres. « Merci, mon chéri, » lui dit-il tout bas. Et William rougit vivement en se rasseyant. M. Halliburton mangea les 2 oranges, puis appuya sa tête en arrière contre son oreiller et s'endormit. « Restez bien tranquilles, mes chers enfants, » chuchota Jane. Les enfants regardèrent leur père et baissèrent la voix. William prit un petit tabouret et va s'asseoir au pied de sa mère. « Papa sera bientôt rétabli, maman, » dit-il tout bas en lui serrant les mains. « Ne le crois-tu pas ?»« Je l'espère, » répondit-elle. « Mais ne le crois-tu pas, maman ?» persista-t-il, et Jane crut saisir dans sa voix une nuance d'inquiétude. « Maman, pendant que tu étais à l'église, il m'a dit que dans un mois, il serait rétabli. » « Pas tout à fait, William, je le crains. Il était si malade et si affaibli. » Jane fit jouer les enfants aux propos interrompus où l'on parle toujours bas. « Où suis-je ? » cria une voix qui les fit tressaillir au milieu de leur jeu. C'était M. Halliburton. Il avait dormi près d'une demi-heure et regardait autour de lui d'un air effaré la tête hors de son oreiller. « Où suis-je ? » répéta-t-il. « Tu as dormi, papa ? » cria Frank. « Dormi ? » ?»« Ah oui, je me souviens. Vous êtes tous ici et c'est le jour de Noël. J'ai rêvé. »« À quoi, papa ?» M. Halliburton laissa sa tête retomber sur l'oreiller. Ses yeux errèrent dans le vague, il se tut un moment, les enfants attendaient. « Chose singulière que les rêves, » dit-il à la fin. « Je me croyais sur une grande, grande route, une route immense, dont je n'apercevais pas les bords et qui était couverte de monde. Nous marchions tous dans le même sens, trébuchant et tombant le long. « Qu'est-ce qui vous faisait tomber, papa ?» interrompit Jenny, dont la langue était toujours en mouvement. « La route était pleine d'obstacles, » répondit M. Halliburton d'un air abstrait. Comme s'il voyait son rêve et qu'il racontait une histoire véritable. Des pierres, des monticules, des broussailles, des mares d'eau encombraient le chemin. De longues herbes s'enroulaient autour de nos pieds, partout des difficultés. À l'horizon, aussi loin que s'étendait la vue, bien loin, 100 fois plus loin que les collines de Malvern apparaissait une lumière, brillante, si brillante que l'œil n'en pouvait supporter la clarté. Et cependant, nous la regardions tous et nous n'en étions pas éblouis. « Peut-être était-ce un feu d'artifice, papa ?» dit Gare. M. Halliburton continua sans faire attention. « Nous allions tous vers cette lumière, quoique le voyage parut ne devoir jamais finir. Tant que nous fixions les yeux sur la clarté, nous passions sans tomber sur les pierres et les ronces, quoique avec peine, et nous avancions peu à peu. Mais dès que nous cessions de la regarder, les uns tombaient, les autres se trompaient de route, se déchiraient aux ronces, se blessaient aux pierres. Et cependant, ils savaient. Il paraissait savoir qu'il suffisait de regarder la lumière pour avancer. Ceux qui la suivaient, ils étaient bien rares, ne bronchaient pas, et pourtant les mêmes difficultés obstruaient leur chemin. Ce récit intéressait les enfants qui écoutaient bouche béante. « Pourquoi donc ne se laissaient-ils pas tous guider, papa ?» demanda William. « Rien n'est plus facile que de suivre une lumière qui n'éblouit pas. Toi, papa, que faisais-tu ? » On lui dit qu'elle n'éclairait qu'un pas à la fois. Continua M. Halliburton, sans répondre et évidemment absorbé par ses propres pensées. Nous ne pouvions distinguer qu'un pas à la fois, mais cela suffisait, car la lumière éclairait alors le suivant, et ainsi nous arrivions au but, et la lumière devenait de plus en plus brillante à mesure que nous approchions. Et y es-tu arrivé, papa ? J'essaie de me rappeler, William. Il me semble que j'en étais tout près. Je suppose que c'est alors que je me suis réveillé. M. Halliburton s'arrêta. Au bout d'un moment, il se tourna vers sa femme. « N'est-ce pas bientôt l'heure du thé, Jane ? Je ne comprends pas pourquoi j'ai tant soif. Nous pouvons le prendre maintenant, si tu veux. Je vais aller le faire. » Elle quitta la chambre. Jenny courut après elle. Dans la cuisine, paradant au milieu des plats et des assiettes, était une jeune fille de 15 ans aux yeux verts et ronds. C'était Betsy. « C'est ça, du bon pudding !» cria-t-elle en se tournant vers Madame Halliburton. « Meilleur que celui de chez nous. » Elle montra une tranche que lui avait donnée Jane. « Betsy, nous voudrions le thé. »« J'y vais tout de suite, madame, » répondit mademoiselle Betsy, la bouche pleine. À peine avait-elle achevé qu'une commotion s'entendit au salon, la porte s'ouvrit, les trois garçons se mirent à crier. Jane, la petite fille et la bonne s'élancèrent dans la chambre. M. Halliburton était étendu sur son oreiller, la figure mortellement pâle. Sa bouche, son menton, sa chemise inondée de sang. Il ne pouvait parler, mais ses yeux demandaient du secours. En toussant, il venait de se rompre un vaisseau. Jane ne s'évanouit pas, ne cria pas. Elle comprit seulement que la fin venait. Jenny se laissa tomber sur le plancher en gémissant et cacha sa tête sur le sofa. Un regard suffit à Betsy. À peine eut-elle vu son maître qu'elle s'élança hors de la maison en criant de toutes ses forces et terrifia le tranquille ménage de M. Lynn en annonçant que M. Halliburton venait de se couper la gorge. Monsieur Lynn et Patience arrivèrent en toute hâte. Ils placèrent le malade dans une position moins pénible et aidèrent Madame Halliburton à essuyer le sang qui coulait. « Veux-tu que j'aille te chercher un docteur, ami ?» demanda le Quaker à Jane. « Je le ramènerai plus promptement qu'un de tes garçons. »« Oh oui, oui !»« Je te disais bien ne pas te réjouir, » murmura Patience quand Monsieur Lynn fut parti. « Je craignais que ce ne fût le présage de la fin. » »« La fin ?» Jane tourna son regard désespéré sur Patience. Monsieur Halliburton ouvrit ses lèvres tremblantes comme pour parler. Patience l'arrêta. « Tu n'as pas parlé, ami. Si tu as besoin de quelque chose, ne peux-tu pas faire un signe ?» Il fit comprendre qu'il voulait de l'eau pour se rincer la bouche. Ceci fait, il parut plus calme. « Je ne puis rien faire d'autre pour toi, » dit Patience. « Je m'en allais et emmenais ta petite fille avec moi. » Betsy se tenait accroupie près du feu de la cuisine. Les trois garçons et leur mère restèrent seuls autour du mourant. « Enfant, » soupira-t-il. « Edgar, ne parle pas !» interrompit Jane. Il sourit en la regardant, comme s'il savait que peu importait maintenant qu'il parlât ou restât silencieux. « Je suis au bout du voyage, Jane, tout près de la lumière. »« Enfant !» Et il s'arrêtait, épuisé à chaque phrase. « Quand je vous disais mon rêve, j'étais bien loin de croire que ce fut l'image de la réalité. » Je crois qu'il m'était envoyé pour que je vous le raconte, car je le comprends maintenant. Vous voyagez vers cette lumière, comme je croyais le faire, comme je l'ai fait. Vous rencontrerez les mêmes obstacles, nul n'en est exempté. Vous aurez des chagrins, des tentations, des épreuves à supporter. Mais la lumière est là, qui brillera toujours, car c'est le ciel. La suivrez-vous ? Il réunit leurs mains dans les siennes. Les trois enfants étonnés, bouleversés, le regardaient en silence. « La lumière, mes enfants, c'est Dieu. Il est au-dessus de vous, autour de vous, partout. Il vous aidera à chaque pas. Mettez en lui votre confiance et il aplanira votre sentier. Il vous conduira pas à pas. Jane, enseigne-le-leur. Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, et vous, ramène auprès de moi. » Il s'arrêta. Ses yeux aimants cherchaient ceux de Jane. Sa main serra la sienne. Jane ne pleurait pas. Peu à peu, les yeux fatigués se fermèrent. Un moment après, on entendit frapper Samuel Lynn. Il ramenait le docteur. William, essuyant ses yeux, alla ouvrir. Monsieur Perry entra. Jane quitta son mari pour le laisser approcher. « Il a poussé un profond soupir, il y a 2 minutes, » murmura-t-elle. Le docteur le regarda, entr'ouvrit sa chemise, écouta les battements du cœur. « Sa vie a passé avec ce soupir, » dit-il tout bas à Jane. « C'était vrai. » Edgar Halliburton venait d'atteindre la lumière.